Couple Etoka, Jolie Willy, Willy Fort Etoka, Willy Junior. Osali se monte mana, Osali oyo manuka de pikala, Osali la passe le mon cœur, Jolie wapi yo. Tenir contact dans ma poussière. Mon bébé souci au Canada, ma maman. Ma maman au milieu de son cœur. Parce que le père en gelé. Jess et Max et TK. Nina et Lina les jumelles. Joli projet à l'Ipala et c'est réalisé. Tobala Lito Komi Bomoko. Denis, Kiki, Christelle, Nguesso, les grands pétroliers. Atala paradis au baso, singa, c'est bolimo. Anani anasafir bazala kina bolimo. Mama Esther Kibata. Yesi na bibilia. Lelo na metri en pratique vers l'amour en action. L'abbé Norbert Bouka. Mama Jeanne et papa Lonasira. Linda Rivena, Desayo, Winnie Toka. Stella Atipo, Vera, Junior Nathan. Et Joey, Saint Willy. Grâce. Irma et Adeline Fato, Maman Jeanne et Maman Jacquier, ton meilleur ami, et c'est lui qui te défend quand on parle de toi, et qui parle de toi quand on t'oublie. Willy et Toka, Abali, les la jolie Willy, Abali, jolie Abali, Willy et Toka, jolie Abali. Maman Adé, la la la la la la, Daï Funta, la la la la la la la. Germain Vambi, taxi parisien. Vase c'est mon angetondi, tigi nanga échangé, na semir na mai, soki na l'Italie na miroir, et sopanzana. Atipo, Nathalie Ngapi. Jean-Mathieu Atito. Mpo esengo nanga eleki molayi. Asta et Palone. Koleka atakututu danemba. Marcel Ngangende et Mimi. Willy et Toka, Abali lelo joli Willy Abali. Adela Menga. Joli Abali, Willy et Toka, joli Abali. Yves Wonga, Mama Jess Brockfort, Roger Motingia, les Zambos. Willy et Toka, Abali lelo joli Willy Abali. J'y fais songo, sans peine mon bel nené collège. Willy papa, la j'ignore, nanato. Si ta moussampa, la chérie, la cocherie, yopo, na libella. Amina Mokonzi, Jean-Pi Mongala, Gigi Mangwana. Tete o la piscine, la moussampi, na mérite. Bienvenue, ma tante. Tete o la yoye, la canali, pekanangai. John Vuitti. Les patrons de Kendaya, Jules Mbala, Bami Fiti, Atali Wayambelie, Nabanga Tempo Nayo. Grand-père Bossi Bossiana, voilà les œuvres. Les lots de ma famille de tes côtés. Moïse Morel, Mikan Sebayaka. Ton bénissi ma pasta, ma témoin. Régis Mbumbo. Libala la vitale kili mousso ya bangangangambe. Lorraine Masumbuko. Abedel Mindia. Amori Luntagye. Willy et Toka, Abali lelo joli Willy Abali. Joli Abali, Willy et Toka, joli Abali. J.R. Ikoli. Kachefu Mungambi. Willy et Toka, Abali lelo joli Willy Abali. Jolie Kabali, Willy Toka, Jolie Kabali. Monsieur Laurent, Bokson et Bokassa. Et pour la minsoto jolie. Et pas le pona matanga na moya maïka si la motima. Na kokina pesate mama. Na nakoki na pesa yo sango na ndenge ya edetwate mama Ben Mbuyamba o mesure de grandeur na bolingo ezalaka te Honorable Patrick Bologna nakokise na pesa bolingo na kati ya motema po bolingo ezalaka na chipre te deyo mbusue chipe minde big manager ya anika bina deyo mbusue Gola ina silia egejo Simon Lumbila Olivier Madiaka Bubuli ondela Jeje Fula mambu Bebe mwama Mida harmoni Aziza Basambie Grand Dame Christian Emani Edi Makuntima Nana Nathalie Swana